Marie, arrête de travailler et viens chez moi te reposer. Souffle, souffle, souffle un bon coup avant de tomber sur les genoux. Marie, arrête de travailler et viens chez moi te faire masser. Souffle, souffle, souffle un bon coup avant que je tombe à tes genoux.